music. Faites péter le champagne. C'est la nouvelle année. Faites péter le champagne. C'est la nouvelle année. Danser, viens t'amuser. Faites péter le champagne. C'est la nouvelle année. Faut tout lâcher, tout donner. Faites péter le champagne. Do me, I feel you. Do me, I feel you. Faites péter le champagne. Take over.